بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا أمس فصلا في أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية والأمراض البدنية. نعم، إلى استدفاء الطيبة، أي توطن نفسك أن هذا الشيء سوف يكون أكثر غرض، أو هذا الشيء سوف يكون أكثر. فأنت تتمسى في بالك حتى si ça s'aggrave إن شاء الله t'es prêt. Et كذلك t'espères, tu fais les asbab pour retirer ce darar. فهذا c'est un سبب عظيم. Et à la fin il a cité التوكل وحسن الظن بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافية. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا ورضي منها خلقا آخر، رواه مسلم رحمه الله. وزاربوك حديث المهم، لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال أي لا جو ديبي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فائدتان عظيمتان. سي فوائد يبون نوز اكسبليكي سو حديث، سي دو فائده. قال احداهما الارشاد الى معامله الزوجه والقريب والصاحب والمعامل. هذا سي مهم، لان في الحقيقه سي تو ريفليشي بيان انت تا دو جونغ دو تا دو جونغ دو بيرسون كو تو فا كوتوي دو كاتيجوري دي بيرسون بروش كالزوجة كالأب والأم كالولد c'est un enfant. مثلا انت associé مع واحد dans un عمل il va être proche de toi, tu le côtoies tous les jours. هؤلاء c'est des proches. كذلك t'as des personnes tu les côtoies ربما مرة في الأسبوع مرة في السنة، comme مثلا des membres de la famille tu les vois en vacances. فالآن انت انتبه أخي الكريم، fais attention ta mu'amala que tu as avec les proches. Bima'na, ta femme, matalan, tu la côtoies tous les jours. C'est la personne que tu côtoies le plus. Fala shak anna, il y a des choses que tu verras, elle n'est pas parfaite, abadan. Anta kadhalik, tu n'es pas parfaite. Si tu ne patientes pas, ma'aha, et elle patiente ma'ak, et si tu veux tout régler d'un coup, bal. بعض الناس كأنهم يفعل أوكان ديفو ستتعب. سي با كوم اون بيرسون كي لوان. مثلا دي مومبر دو لا فامي تو لي فوا اون فوا دون لاني، ربما تو لي فوا دو جور. تو فو فور كو دو خير. ا تفير دي غران سوغير. انتا تو فالي فير دي سوغير. تو لي فوا اون فوا دو تانز ان تان دي كادو. اون جينيرال سا سباس بيان. اون جينيرال تا با بروبليم افيك سو جونغ دو بيرسون. اون جينيرال لي بروبليم سي افيك سو كو تو كوتوا سوفون. فاصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ساسا سؤال دوزيام فائدة. نقرأ الآن. نحن voulez-vous vous démontrer ماذا يريد الشيخ السعدي الآن. Il te montre الآن أن il y a des personnes tu les côtoies souvent. Ce qu'il a dit هنا الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعان. قال وكل من بينك وبينه علاقة واتصال. هؤلاء الآن ils sont vraiment proches, tu les côtoies tous les jours. قال وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لابد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكره. Ça c'est مهم. Tu sais au fond de toi توطن نفسك et tu t'habitues أن هؤلاء c'est des êtres humains. هؤلاء ils ont des faiblesses. Toi aussi. كذلك المهم هنا c'est que toi كذلك tu fais des fautes. Il y en a بعض الناس ils reprochent aux autres des fautes et lui-même il fait des fautes. بل بعضهم يفوت كفولا يسكوريج لوي يفوت با ديفور بور سكوريج. سا اريف بوكو لي بروبليم دو كوبل. اون بيتيت شوز il va demander maintenant à sa femme, t'arrêtes de faire telle chose. C'est une chose, Obama, c'est une chose là, sahel. Et lui, il veut des avoir, et il fait aucun effort. Hadala, il y a 12. Hada, ça fera des problèmes. Il y en a, et au milieu de l'ayam, ta femme, elle te dira, mais toi aussi, tu fais kata. Si la fierté elle rentre, alas. Hada, c'est mohim. Tu fais des efforts, et t'espères mal à l'akharin. Amma ba'd al-nas, wal-iyadu billahi, tout lui, il regarde que les autres. Et lui, il fait aucun effort. Avec les autres, da'iman, il essaye d'enlever, il essaye de, il cite des hadiths l'wa'id. Si tu fais pas telle chose, si tu fais pas telle chose, tu risques kada. Et avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafur rahim. C'est pas hakada. C'est pas hakada, là. T'as des exigences avec tes proches, kadalik, eux, ils en ont envers toi. Ils ont des hukouk, kadalik, toi, t'as des hukouk. Ils ont des devoirs, kadalik, t'as des devoirs. Hakada, chaque chose à sa place, c'est muhim. قالوا أنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. يا أخي t'es pas في الجنة. والله cette femme, cet enfant, ce frère, cet associé, c'est des ضعفاء. خاصة s'ils ont pas d'ilm, خاصة s'ils sont pas على السنة, c'est des عوام. فلا بد من الصبر. T'entendras des kalimates qui te feront du mal, أو des حركات, أو معاملات. هذا لا بد. يا أخي في الدنيا تصبر تسعي دو رغلي شاك شوز لكن قد يقول قائل أحيانا لابد دي فوا يفو منتخي يفو لا شك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذا لا شك الشيخ سعدي الآن يتجي باتو تتعي على منكر أبدا لكن يا أخي للشوز هي الميتود هي دي مصالح كذلك مثلا أنت مغي t'as des enfants. Enfin, c'est pas mine sale. Tu divorces pour une mas'ala. Là, tu dois voir loin, t'as. L'anarubama, c'est une chose, là. Bah, tu peux patienter, la régler avec le temps. Laquelle le divorce, ça peut te pousser à du char. Kadalik, s'il y a des enfants, intabihu, les enfants, rubama, yadri'oun. L'anar, les enfants qui sont élevés par un père et une mère, c'est pas comme des enfants qui sont élevés par une mère, faqat, ou un père, faqat. Là, l'enfant, il a besoin de père et mère. إنسان دائما إلى responsibility فيصبر من هو أعلم منك وأفضل منك إلى أي problem avec ses épouses هذا لابد لابد une كلمة لابد une حركة كتم با هذا لكن ça veut pas dire que خلاص خلاص le divorce لا وطن نفسك أنه لابد أن يكون فيه عيب أو نقص هذا لابد et ne t'oublie pas أنت. Si quelqu'un t'a fait du mal, que ce soit Azzawja ou autre, n'oublie pas que Anta Kadalik, des fois tu lui fais du mal. Wahiya Tasbir. N'oublie pas ça. Fa comme Anta, t'aimes bien que les gens yasbirun alayk, fasbir alayhim. Al-jaza'u min jins al-amal. Qala fa idha wajadta dhalik. Al-an, on est tous d'accord, hatta entre nous, élèves, professeurs, ou tollab, ou amis, lâche qu'annahu un frère va te dire une kalima. Ou une sœur, elle va dire une kalima sur sa sœur. هذا معروف هذا tu n'y arriveras pas. أما بعض الناس ils pensent un problème خلاص ils délaissent مثلا il a un ami un problème il le délaisse il ne lui parle plus هاجر et il pense qu'il va trouver un autre ami ça va bien se passer يا أخي ce deuxième que tu vas trouver ربما il sera pire ربما il va avoir des choses أكثر ce n'est pas la solution أهم شيء c'est que tu arrives à parler النصيحة il accepte تمام قال فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بالتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة نعم مثلا تفهم التجين موفيس بارول وأنت تغضبان الشيطان مباشرة يفين شو بانس أدفورسي بانس لخير كالتدني بانس لخير أنا لدي سبب في كثير من الأمور. C'est ta femme, tu as des liens avec elle, Obama, tu as des enfants, vous avancez dans votre dîn, Alhamdulillah, kul wahid il est mastour al-hal, tu t'es écarté des fidans, pense à toutes ces choses. Et cette kalima mauvaise, ou cette mu'amala mauvaise, tu parles. Ya fulana, tu as dit kada, et tu cites des hadiths, tu cites des versets du Coran, en Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste cette chose, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, et nasiha, berif, elle n'a pas accepté aujourd'hui, elle acceptera demain, mais idnala, ah kada, tu préserves le khayr. Et le mal qui est présent, t'essayes de le régler. Amma ba'dannas, ils ont des faiblesses. Ils n'arrivent pas à conseiller. Ils n'arrivent pas à enlever le mal. Ils pensent que fuir, c'est la solution. Mubashara, qu'est-ce qu'il dit? Divorce. Et ils pensent que c'est de la rujula. Wallahi, c'est pas ça. Abadan. Wallahi, dans la plupart des cas, l'un que tu analyses, le divorce, c'est de la faiblesse. Alors, il ne peut pas. Il ne sait plus comment faire. Il fuit. Hada. Kadalik avec les amis. Ba'dahum, ils ne savent pas faire nasiha. Ou ils n'ont pas l'audace, le courage de faire nasiha. Il fait le hajr mubashara. Le mal, il y en a où c'est un daif. Allez, hada, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ليس القوي بالسرعة إنما القوي من يمسك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم نمط خلنا القوي سبب السرعة أي في تومبي فلان يتاب فلان ça c'est de la faiblesse. Celui qui frappe ou qui fuit en général c'est de la faiblesse. Là attention, c'est de la force et du courage. Le courage c'est celui qui patiente et يمسك نفسه et montre. Ah, c'est ça le plus dur. أما taper في الحقيقة c'est très simple. بعضهم والعياذ بالله ils ont des problèmes avec leur femme. Roubama, il tape sans raison valable et il tape un verbe chadid. Ça, c'est de la faiblesse. L'imam d'Aliana, il n'arrive pas à parler et à corriger. Tellement qu'il est faible, il n'arrive pas à me son nefs, il tape. Ah, ou son enfant. Ça arrive qu'à dire. Bardehoum, ils ont tellement ils tapent leurs enfants, Roubama, il lui a cassé quelque chose. Bardehoum, ils les ont tués. Ça arrive. Là. Il tape son enfant, il tape la tête, il le tue. C'est quoi qui a fait ça? C'est qu'il est faible. Wallah, et celui qui a quoi? Il sec et il essaie de corriger cet enfant avec toruq shar'iyya. Il peut taper dans certains endroits un darb khafif et aham shay c'est le dialogue. Avec Zawja c'est mbab aoula. Avec les étrangers, c'est pas ta femme, c'est pas ton enfant, mais mbab aoula tu tapes pas. Na'oudou billah. C'est ça la force. Le Cheikh Saadi te montre, rahmatullah alayhi, anna les choses ne te fait pas avoir par Iblis. Iblis, une petite mouchkila avec ta femme ou avec un ami. Ou avec ton père, ta mère, un proche, il veut te faire croire ahyanan que c'est quelque chose de kabir. Et il te donne des solutions. Hajar, fuis, délaisse-les, insulte, tape. Na'oudou billah, c'est pas ça. Khasatan les parents. Wallahi ba'duhum, na'oudou billah, min al-khudlal, min al-dhalal. Son père ou sa mère, une kalima, il est hajar. C'est son père. Sa mère. Wallahi ton père, wala il te tape sans raison. Wala ou yuhammil fauq ra'sak al-hijar ou al-mata'ib. Le khayr, si t'appliques la nasiha de Cheikh Saadi, tu vois le mahasin, il t'a élevé, il t'a éduqué. Voilà où il a eu du naqs. Il t'est arrivé une chose, c'était le premier. Combien de fois il t'a emmené à l'hôpital? Combien de fois il t'a emmené au médecin? Combien d'argent? Calcule rien que l'argent qu'il a utilisé. Il t'a habillé, il t'a. Toma une kalima, il te dit. Il se trompe, Obama. Khasatan, des parents djuhal, des awam, Obama, pardon, ils ont des parents kuffar. Il te dit batel, il te dlame, ma'rouf. Lakin ya akhi, oublie pas le khayr. Oublie pas le khayr, c'est ton père, c'est ta mère. Riyad al-hal, tu patientes et tu te rappelles tout le khayr qu'il t'a fait. Et cette chose de mal qu'il t'a fait, tu dis afallahu ank. Je te pardonne, l'Allah azza wa jal. Hakada, tu vas voir que même lui, il va être touché. Il va dire mon enfant, c'est un salih. Voilà aussi le débat bilisan al-maqal. Haluhu, ça sera hada. Il va être touché, il va dire cet enfant, il connaît le khayr. Et t'inquiète pas, quand il est touché, il changera. Léana, c'est ton proche. C'est pas comme un autre. Pourquoi, au début de la kalima, on vous a fait la différence entre des proches et des personnes qui ne sont pas proches. Robbama, tu sors fil chari, tu ne connais pas. Wahad, majnoun, wahad, envahi, un savi. Il vient et t'insulte. Hada sal. Ida khatabahum al-jahilun, qalu salam. S'il ne veut pas écouter, tu le laisses, tu fais ta vie, mais là, tu ne le verras plus jamais. Amma, un proche là. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton élève, c'est ton prof, c'est des proches, ils ont un haq. C'est pas comme un haq que tu connais pas. Hada, c'est muhim. Qala, bittadhakkuri ma fihi min al-mahasin wal-maqasid al-khassa wal-amma. Al-mahasin, on l'a cité par exemple l'exemple du père ou de la mère. Al-maqasid kadalik. Matalan al-zawja. Al-zawja, c'est la femme de tes enfants, tu veux faire des choses avec elle plus tard, ton avenir, t'avances. Oublie pas tout ce khayr. Iblis, alayhi la'anatullah, il ne veut pas ton khayr. Faliada, il fait tout pour diviser. Que ce soit avec la femme, avec les parents, il fait tout pour mettre la furqa. Adoullah. Qala wa bihadha al-irdha. On dit rod basarak. C'est tu tournes le regard. Wa bihadha al-irdha. Tu fermes les yeux. Rod al-basar, c'est fermer les yeux. Et cette expression, on l'emploie en français. Tu fermes les yeux sur certaines choses. Ya akhi, intabih, khassatan avec les zawja, et avec les parents, et avec tes enfants. Intabih, tu veux tout régler, C'est bien d'avoir une niyat tout réglé. Lakin entabé, tu prends en considération tout. Abadan, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Al mar'a li naqisa, naqisatu 'aql wa din. An-nisa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Il y a des choses, tu dois fermer les yeux. Maintenant une kalima, elle t'a dit une kalima. Tu sais, elle t'a pas bien, ça t'a fait du mal. Ahyan, ferme les yeux. Ferme les yeux, tu vas parler, ça va faire un conflit, Obama, ça va très loin. Ahyan, ferme les yeux. Ahyan la. Il y a des choses là, il faut parler, il faut bloquer. Avec les enfants, avec les parents, avec des choses, tu fermes les yeux et t'avances. Et tu verras que, il l'a dit, il n'avait pas de qazd, il l'a dit, hakada, c'est sorti. Tu fermes les yeux, t'avances, c'est oublié, on en parle. Hada, c'est muhim. Qawluhu wa bihada al-irda an al-masawi wal-mulahada al-mahasin. Tu fermes les yeux sur certaines choses. Et tu prends en considération le khayr qu'ils ont fait. Tu vas voir que, bi'idni Allah Azzawajal, tu ne penseras pas à faire du shor, divorce ou autre. Qala tadoum as-suhba wa l'ittisal wa tatimmu ar-raha wa tahsulu lak. Tu veux raha? Tu veux toujours avoir ces fréquentations? Père, mère, femme, enfant, tu ne veux pas de furqa? Applique hada. Al-irda an al-masawi. Il y a des choses, tu fermes les yeux. Et mulahadat al-mahasin. Kadalik. Tu peux faire entrer via les rwa et les masawi, pardonner. Al-afou, c'est muhim. Khas satan, si on te demande. Ba'adouhoum, ils ont. Wa'adoubillah, b'touro bi'shidda et adam al-rahma. Wahid, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il lui dit, ya akhi, afouan, je te demande pardon. Tu le trouves, ba'aki fi qalbihi ashay. Ya akhi, t'as demandé pardon. Tab, il t'a montré. Mais il ne l'a pas dit, khalas, ya akhi, arham. قال عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم si tu lui pardonnes c'est un sebeb qu'Allah il te pardonne يا أخي ماذا تريد il s'est trompé c'est un insan ضعيف il a fait des choses il reconnaît il te demande pardon العفو c'est مهم c'est طيب والله يوم من الأيام si tu lui pardonnes pas تبتلى t'as fait une erreur à واحد tu lui demanderas pardon il dira la même chose Allah يبتليك et tu regretteras là si c'est fait dans les règles dans les normes et il te demande pardon يا أخي عفو عنه. C'est une dunya. Aujourd'hui il s'est trompé et demain ce sera toi qui te tromperas avec un autre. Enfin, celui qui veut raha et celui qui veut at-tuma'nina et celui qui veut qalbuhu yanshirih wa yirtah, il applique هذا السبب العظيم. الإغضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن. أما les choses qui touchent le din, abadan. نحن الآن زي ما كنا parle معاملة avec les proches, avec il a parlé sur toi. أما في مسائل الدين abadan. النبي صلى الله عليه وسلم il pardonnait et il avait du rifq diddan lakin quand ça touchait au din fa kana yantaqim lillahi azza wa jal comme dans le hadith d'Aïcha ahyanan il devenait rouge comme من الناس il faisait des choses yasbir lakin quand ça touchait au din alayhi salatu wassalam abatan واحد مثلا un de tes proches il veut que tu fasses une ma'siya ton père مثلا il te dit ya waladi rase la barbe ou porte un pantalon ou achète une télévision pour tes enfants ou des tous ces manaki munkarat. Fala, bi hadha al-hal, tu dis, sahih, je vais fermer les yeux pour abadan. Ça, c'est le ma'siya, na'oudou billah. Bi hadha al-hal, si c'est ton père, bref. Lakin, tu montres, ya abi, c'est haram. Et tu lui montres, khanna, la ta'a li makhlouq, fi ma'siyat l'khaliq, inna ma ta'a fi l'ma'rouf. Tu lui montres, hada, bref. Lakin, nahnu l'an, on insiste, anna, même ça, tu montres en douceur. T'es pas obligé de crier. T'es pas obligé de t'énerver, là. Maintenant, ton père, il te dit, rase-toi, ya abi, là. Pourquoi le Nabi sallam l'a interdit? Afwan, je ne peux pas désobéir au prophète et t'obéir à toi fi hadha al-hal. Demande-moi ce que tu veux, ce que je peux, bi'idnillah. Amma ça, afwan. Et khalas, avec le sourire, calmement, et inshallah, t'as fait le wajib. Hada, c'est muhim. Amma, les choses qui te touchent toi, t'as une kalima sur toi, ou rubbama il t'a pris, shay min malik, un de tes proches, ça te touche toi, ça touche pas au din. Tant que tu peux pardonner, pardonne. Et montre. Et rifq, inshallah, tu verras que ça s'arrangera. Al-fa'idatu thaniya. Deuxième fa'ida. Par rapport au hadith. Qala wa hiya zawal al-ham wal-qalaq wa baqa'u al-safa wal-mudawamatu ala al-qiyam bil-huquq al-wajiba wal-mustahabba. Naam. Des huquq. Léanna pour que ça, le couple tienne, ou les liens avec les parents ou les proches, et ça tient. Il y a des huquq, tu as des wajibat, tu as des choses à donner, tu as des choses à faire. Hada ma'rouf. Qala wa husul ar-raha bayna at-tarafayn wa man lam yastarshid bi hadha alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bal 'akasa al-qadiyya falahadha al-masawi wa 'amiya 'an al-mahasin. Al-an, celui qui inverse النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن عن مؤمن أن كره منها خلق خلقا رضي منها خلقا آخر. الحديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنطخ أن سي avec ta compagne, ta femme, il y a un خلق que t'aimes pas. مثلا elle plaisante, une plaisanterie, ça t'aime pas, ça te fait du mal. فربما على لا شك على des autres choses, des comportements طيب. فرغف pas que ça أنت. ابتليت بهذا, tu la conseilles. Si elle a du mal à comprendre au début, tu lui dis, elle a été éprouvée par hada, c'est un être humain, et inshallah elle a du khayr. Fassahal. Nasiha, ba'd nasiha, calmement, inshallah elle fait des progrès. Si elle ne fait pas des progrès, elle a du mal, tu la rahmes, elle est daïfa. Hada, le Nabi Sazan قال, kariha minha khuluqan, radia minha khuluqan, akhar. Oublie pas le khayr, des choses que des khuluq, des comportements qu'elle a et que tu aimes bien. Oublie pas hada. قال, faman. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اي اي شاك ديتاي اي فو كو سا شانج ديريكتومون اي مثلا سا فام على دو مال ا شانجي اي باسيونت با هذا سي يتعب سي يتعب كيسك تو با فير سي كوا لا سوليوشن اوتون تو فيرم لي سيتين شوز افيك لو كونساي اي تافونس اما شاك ديتاي تو فو كو سا سوا كوم توا تو فو لا سي تتعب. قال بل عكس القضيه فلاحظ المساوي وعمي عن المحاسن. فلاحظ المساوي اي شاك ديفو il prend en considération, il parle que de ça. Mon père il a kada, ma mère, ma femme, il regarde que les défauts. Tu l'entends parler, t'as l'impression qu'il vit avec des shayatines. C'est plus des êtres humains, des musulmans. لا قال وعم يعني المحاسن حتى les choses bien كأنه il y a pas de bien. Et هذا ça joue في المعامله. Il y en a un tas, maintenant avec tes parents ou ta femme ou tes enfants, quand tu leur montres qu'il y a des choses, t'es satisfait. Ça les encourage. Amada iman, tu rentres fil bayt, t'as fait kada. Que de mauvaises choses. Prends l'exemple des enfants. Wallah, yata'atharun jiddan. Ça devient des enfants tristes. Et ils n'ont plus de rahba. Ils veulent plus faire des efforts. Les anas, ils sont toujours critiqués. Là, l'enfant matalan, il a fait du khayr. Tu lui montres que c'est un khayr. Cadeau, tu lui kalam tayyib, tu le fais sortir. Il va afrah. Et tu vas voir que ça va le motiver jiddan. Et quand tu as une erreur, tu lui montres c'est une erreur. Et là, il va faire la part des choses. أما دائما les coups, دائما les cris, دائما والله c'est pas une méthode. بعضهم ils ont une mauvaise méthode avec leurs enfants. Jitten, ils crient toujours. Son enfant maintenant il est assis, il a un stylo, il ouvre le stylo, il crie. Pourquoi t'as ouvert le stylo? L'enfant il pose le stylo, il lui crie dessus. Pourquoi t'as posé le stylo? L'enfant il se lève, pourquoi tu t'es levé? C'est pas une tarbiya, Ali. L'enfant laisse-le, c'est un enfant. Maintenant il a pris un stylo, il a écrit sur son kamis. C'est un enfant, ça, le kamis tu le laves. Tu veux un enfant propre comme un adulte, ça n'existe pas, hada abatan. Lakin, le jour où il fait quelque chose de grave, vol, il insulte un frère, il sort sans ton autorisation. Fi hada al-hal, les coups, bien sûr, des coups modérés, khafif, avec des cris, tu lui cries dessus, tu vas voir que, bi'idnillah azza wa jal, il va stafid jiddan. Et baqiyat l'umour, c'est un enfant. Amma pardon, moi, c'est les cris, cris. Le jour où il y a quelque chose de grave, il crie l'enfant, mais il va aller. Il a l'habitude d'écrire. هذا c'est مهم. قال فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة. صحيح. Il y aura, خلاص, la محبة que t'as entre toi et ta femme, toi et ton enfant, toi et ton père, si tu fermes pas les yeux sur certaines choses et tu prends pas en considération le khayr, ça mettra de l'attention. صحيح. Cette femme, elle va sentir que tu tiens plus à elle. Ce père, il va sentir que tu le respectes plus. Cet enfant, il va sentir la touba alibé. Le moindre chose, l'enfant, il fugue. La femme, robama, elle part. Et le père, robama, il t'hajar. Il n'y a plus cette mahabba. Fantabihu lihada. Ça, c'est muhim. Cette femme, c'est une ni'ma qu'Allah t'a donnée. Ce père, cette mère, c'est une ni'amillah. Cet enfant, c'est une ni'ma kadalik. Hafid ala ni'ma. Si, ça n'a pas arrivé un cas, une femme sharira. Elle écoute pas, elle te fait du mal à ton dîn, t'as tout essayé, t'as patienté, elle veut pas, c'est akhar. Ou un enfant, mutbir, tu lui montres, il fait que des problèmes, il fait du mal à ton dîn, tu lui montres, il veut pas écouter, c'est akhar. Nous on parle, ahyanan, il y a des masa'il, inshallah, on peut régler. Et c'est là le blaouqat. Qal wa kathir minan nas. On n'a pas fini. قال ولا بد يتكدر ما بينه وبين ما يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. مثلا من حقوق الزوج على المرأة c'est qu'elle prend soin de lui, elle lui fait à manger, elle prend soin du bait, il a besoin d'habits, les habits sont propres, ma'rouf, ça c'est min shu'un al-mar'a, elle prend soin du bayt. S'il y a des problèmes, tu toucheras ses hukouk. Rubbama, il y a eu un problème chez Itafé, tu rentres, elle s'est énervée, elle n'a pas fait à manger. C'est toi, ça revient sur ta tête à toi. Ça y est, ça revient sur toi. Essaye d'éviter tout ça. Reste firaha. Et les choses qui sont acquises, laisse-les acquises. Ça y est, et les choses, il y a les problèmes, on dort, qalil, qalil. C'est un petit problème, ça finit, sa vie, c'est un ta'ab. Wallahi, yata'ab, hatta yendam. Yendam, pourquoi il a connu fulana ou fulana, pourquoi? Yendam, ça devient hayat ta'ab. T'as des hukouk sur toi, t'as des wajibat, hakada avec les enfants. Enfin, chaque chose, tu lui donnes son haq. Et ad-du'a, c'est muhim. الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال سمهم. قال وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون. إيسا سمهم. وكثير من الناس صحيح الشيخ سعدي الآن رحمة الله عليه سائمام فعالم من علماء السنة. Et ici, t'en as kathir minan nas. C'est vrai, c'est beaucoup de personnes. عند الأمور العظيمة, ils patientent. Matalan, une guerre. Matalan, la mort d'un proche. Matalan, la pauvreté. هذه الأمور, ils patientent. لماذا لأن وطن نفسه عن هذا. Il sait que c'est une mosquée, il faut qu'il patiente, sinon ça va lui faire du mal. لكن عند الأمور التافهة, les petites choses, ils patientent pas. Et ça, c'est vrai. Il y en a pour lui les petites choses, il ne fait plus attention, il pense qu'il ne faut pas se barver. Là. Et quand les petites choses, ça peut te faire beaucoup plus de mal qu'une grande chose. Une grande chose, maintenant, ça arrive une fois. Je patiente, une semaine, un mois, c'est passé. Ah, mais les petites choses, c'est tous les jours. Si tu ne patientes pas, ça t'empoisonne la vie. Chose kabira, il s'y attend. Même s'il ne s'y attend pas, il voit le danger, il patiente. Amma l'umur sarira, Rubama il se précipite, il ne patiente pas. Et ça lui fait beaucoup de mal. Et ta'alamu, on a une petite chose, ça devient quelque chose de kabir. Qala fadharrathum wa atharat firahatihim. Falhazim yuwattin nafsuhu anil umur al-qalila wal-kabir. Al-hazim al-muwaffaq. Al-hazim ay al-mutamassik. Al-qawi. Il fait attention et il patiente. Les gros problèmes, kadalik les toutes petites choses. Une kalima, un geste. On cite un exemple, Adalan. Ta femme, elle t'a pas fait à manger à l'heure. Ça, alhamdoulilah, on n'est pas des animaux. Si on ne mange pas à telle heure, on peut patienter une demi-heure. Ça. Mais ben, celui qui ne patiente pas, il rentre filbé, une kalima, il s'énerve. La nourriture, elle n'est pas prête, il s'énerve. Son kamis, il n'est pas prêt, il s'énerve. Khalas. Tous les jours, hakada, il a une vie, nasallah al-afiyah. أما إن غرّ شوز أنا بيعي باسيان ننتبه لهذا الأمور الصغيرة أم باسيان لأنه سيك سابون فيغ جمال. قال فضرتهم وأثرت في راحاتهم فالحازم يوطي نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها. الدعاء والله ما من البتيت شوز في الدعاء ما من البتيت شوز. Petite chose, on pense que fais du'a en Allah subhanahu wa ta'ala yakfik shar dhalik et qu'Allah y tuwaffaq et tu verras que tu avanceras. Et nous, kadhalik, on a un problème, c'est qu'on fait du'a que pour les grosses choses. Que ça soit un khayr ou repousser un mal. On fait du'a. Les petites choses, on n'agfal. Allah, ba'd al-salaf, il faisait du'a pour des choses minimes. قال ويسأل الله الإعانة عليها وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. نعم لأن السلوي الله سبحانه وتعالى يحفظ بقى يضيع ويهلك. قال فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. صحيح هذا المطلوب. المطلوب طمأنينة النفس السكينة الراحة تسعى في طاعة الله عز وجل حتى تفي بارتي دو سو في الدنيا. Ils sont à la khayr et fil akhira bi idnillah, ils sont à la khayr. Nas'alullah azza wa jal an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa batan wa nas'aluhu subhanahu wa dhalik al-afu wa al-afiyah وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. باقي أظن آن درس نعم لدغني باب إلى سه إن شاء الله استفدنا سترسالة أنفني بإذن الله ثم ننظر ماذا نقرأ سيومبو. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.